bah hello les gens et bienvenue dans Brocast, un tout nouveau podcast, hein, comme son titre l'indique, qui j'espère vous fera passer un bon moment. Alors on débute, hein, alors j'espère que vous serez indulgents. Je vous explique donc le principe de Brocast en quelques mots. Imaginez-vous arriver dans un rad avec des potes qui discutent jeux vidéo ou chez vous, voilà. Donc c'est vraiment un podcast sans prétention où avec mon bro on va discuter sans trop préparer avant le sujet. On veut que ce soit spontané, je pense que c'est voilà, la petite originalité qu'on va essayer d'amener. Il n'y a pas un chemin de fer, il n'y a pas un sommaire gravé dans le marbre. Vraiment, on discute sur un sujet qu'on a choisi et on vous invite, vos auditeurs, à vous asseoir à côté de nous et écouter ça comme si vous étiez avec des potes. Donc, je vais présenter quand même mon bro. Donc, pourquoi Brocast ? Puisque on va faire ce podcast avec mon frère Julien. Salut Julien. Salut, on est des frères. On est des frères. voilà, donc l'idée venue rapidement, c'est que très souvent, pour des réunions de travail, on dérivait sur des débats endiablés voilà, bah, sur jeux vidéo, bien sûr, vu que c'est ce qui nous passionne, c'est normal. Et bah, c'est aussi notre métier, donc bon. Voilà, c'est notre métier, c'est notre passion, c'est notre cœur. Et donc, on s'était dit bah, que parfois, ça pouvait être intéressant, mais toujours de rester dans le principe d'une discussion, voilà. Naturelle, pas du tout préparée. Donc, voilà. On bah, là, les sujets, on les a un peu décidés juste avant, quoi. Là, avant d'enregistrer, on vient juste de se confirmer le sujet qu'on allait débattre. Voilà, exactement. C'est pour réagir comme qu'on le fait bah, d'habitude quand on se voit en live ou quand on discute sur Skype sur le sujet du moment ou pas forcément ancré dans l'actu. C'est pas, ce sera pas forcément. Non, pas forcément. Mais une réflexion, voilà, qui peut nous venir comme ça. Donc voilà, c'est sujet libre, discussion libre. En plus, c'est même pas dit que ça soit toujours que du jeu vidéo. Hein. Non, bah pour l'instant on est parti sur du JV, mais ouais. Effectivement on peut partir aussi sur d'autres sujets. C'est assez libre, en fait c'est on se fait plaisir et je pense qu'à partir du moment où on se fait plaisir, les auditeurs peuvent se faire plaisir. Et j'aime bien cette ambiance de voilà, on discute entre nous. Moi je sais que j'adore écouter ça sur internet ou ailleurs, le côté un peu spontané voilà, spontané, ouais. Expérience personnelle. Donc on va essayer d'apporter ça. Bon, on va commencer hein, du coup. Et ouais, tête, et donc et... le premier sujet bon, on va sûrement se faire 50 et demi. c'est donc on va parler de nos goûts. Donc voilà, je répète bien que c'est, on parle vraiment en notre nom. C'est nos goûts. Alors, c'est pas du tout du troll, c'est vraiment mesuré parce que le troll pour le troll, je trouve ça dégueulasse personnellement. C'est vraiment juste nos goûts, voilà. Et là, on va parler de la presse jeux vidéo, donc papier et internet, qui ouais. Est en constante voilà, évolution. Ou d'échéance. Ou d'échéance, voilà, selon les points de vue, ou les deux. Et voilà, et surtout que Julien et moi, on n'a pas du tout peut-être les mêmes habitudes de consommation. Donc, bah, d'abord, Julien, j'ai cru comprendre que toi, les magazines, c'était un peu fini depuis longtemps. Oh, bah, moi, j'ai lâché l'affaire. Le seul magazine que je lis encore, c'est Picsou Magazine. Très bonne critique jeux vidéo dans Picsou Magazine, n'est-ce pas ? Mais le pire, c'est qu'il y en a, quoi. C'est ça qui est drôle, c'est t'as des critiques jeux vidéo dans Picsou Magazine. Je sais plus, il y en a un où j'étais tombé dessus, où ça parlait de Skylander, ouais, ça va. De Skylander. Non, moi, la presse JV, j'ai complètement lâché. Bah, dès que... Bon, en fait, ça date pas d'hier. Hein. Même quand les magazines de jeux étaient encore bien, entre guillemets. Bon, il y en a des biens, hein, je dis pas... Il y en a des biens. en fait, si, j'ai continué à en acheter un assez longtemps après avoir arrêté d'acheter les consoles plus Joypad et compagnie quand ça existait. C'était Canard PC. Ouais. Mais au bout d'un moment, je suis resté sur Gameblog et Gamekult. En fait, je pense que j'ai vraiment arrêté d'acheter des magazines de jeux vidéo quand il y a eu l'ouverture de Gameblog. Je pense. Ah oui, ça remonte à loin quand même. Ouais, ça remonte à loin. Quand il y a eu Gameblog plus Gamekult, après j'ai vraiment pu acheter de magazines, quoi. Bon, tu lisais IG parce que je te les amenais. Non, mais voilà. Non, mais en plus j'en ai acheté. Ouais, voilà. C'est exactement ça en fait. Les IG Mag, c'est encore. Mais c'est parce que c'était des beaux livres aussi. C'était pas que. Bon, les articles étaient bien, mais même dans une bibliothèque, ça faisait beau, quoi. C'était des beaux bouquins aussi. Donc, après, bon, on va pas trop parler d'IG parce qu'après, on va dire que voilà, que je prêche pour ma paroisse parce que c'est vrai que ça a été. Bah, t'as le droit, hein, c'est bon, faut arrêter quoi. Voilà, toutes les sociétés, même les sociétés ouais. de jeux, étaient abonnées à IG, donc je connais pas une boîte qui était pas abonnée à IG, donc faut arrêter. Bah pour ceux qui me connaissent pas, c'est IG, ça a été ma plus grosse expérience professionnelle dans le monde du JV, parce que je viens du journalisme, voilà, jeux vidéo, et en fait, voilà, IG, c'est le magazine dans lequel j'ai tenu le plus de responsabilités, on va dire. Et j'étais là du début jusqu'à la fin, c'était une aventure formidable, mais bon, voilà. Donc, pour dire que toi, je sais pas, toute cette nouvelle... parce que la presse papier, on l'a dit complètement dead il y a quelques années. Il y a eu un petit revival dernièrement avec des titres comme JV, etc. Ouais. Voilà, c'est pas des magazines que toi, tu consultes Bah, pour te dire, ça, je les lis tellement plus que, tu sais, je suis abonné, j'ai un premium chez Gamekult. Ouais, moi aussi. Et du coup, je reçois un des magazines. Alors, je sais plus lequel j'ai choisi. Ah, il y avait Games aussi. C'était Games ou JV. Alors, c'est soit l'un ou l'autre, effectivement. Tu sais quoi, je les reçois, je les lis même pas, quoi. Alors qu'ils sont chez moi. Pour te dire à tel point, je les lis pas. Parce que, en fait, ça m'intéresse plus. Tu vois, par exemple, j'achète un magazine. Je me mets vraiment dans le contexte, tu vois. Je vais au libraire, j'achète un magazine de jeux, il y aura 80% où j'en aurai rien à foutre, genre Call of Duty, les jeux de foot, ou ces trucs-là. Il y aura peut-être 2-3 dossiers que je vais trouver sympas et un test intéressant, et j'aurai dépensé 10 balles pour 3 pages, quoi. Mais en fait, je pense que, tu vois, là, je vais prendre JV parce que Games, moi, je l'ai découvert très très tard. Et il y avait beaucoup de plumes que j'aimais dedans, et là, je l'ai découvert trop tard, et c'est peut-être un de ceux que j'aurais préféré. Hélas, bon, le magazine n'existe plus. JV, j'étais très enthousiaste au début, et là, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus de mal. C'est-à-dire que là, eux, JV, le principe, c'est justement, ils vont pas parler forcément des gros blockbusters, ils font vraiment une sélec de ce qu'ils veulent critiquer, de ce qu'ils veulent parler, donc c'est assez complet, mais je sais pas, ces derniers mois je me retrouve plus trop dans leur vision, dans leur goût. Alors après il y a une question aussi, c'est que quand il y a des plumes qu'on apprécie mais qu'on n'a plus aucun tome crochu avec les goûts de la rédaction, par exemple, avec leur vision, avec la ligne éditoriale, est-ce que voilà, ça nous fait décrocher un peu du magazine? Moi, personnellement, oui. Alors, JV, ça reste vraiment de très grande qualité. Mais, bon, moi, c'est vrai que j'ai un peu... Au fil des mois, j'ai un peu plus de mal, en fait, avec les opinions, les angles de certains articles. C'est vrai que je suis un petit peu déçu sur les derniers numéros. Bah, tu vois, là, par exemple, là, t'es en train de dire que t'as décroché parce que t'es pas d'accord avec la ligne éditoriale. Alors que t'aimais bien, si j'ai bien compris. Au début, j'aimais bien ce magazine, mais c'est vrai que sur certains sujets, moi, qui me sont chers, à chaque fois, j'ai vu des points de vue complètement différents du mien. Alors, c'est important d'avoir un point de vue différent. Ah oui, c'est clair. C'est très important, mais... toujours que différent, bon... Ouais, alors c'est ça, il faut un juste milieu. T'aimes bien te retrouver parfois chez certains rédacteurs, parce que pour moi, un bon magazine... enfin en tout cas du point de vue du lecteur, parce que JV reste un excellent magazine, ça c'est pas le problème. Il faut que tu te sentes un petit peu à la maison. Bon, moi celui en matière JV, les deux que j'ai le plus aimé, c'était Gen 4 à l'époque, surtout Amiga ST et Joypad. J'aimais bien Console Plus, moi aussi. Ouais, j'aimais bien aussi Console Plus, mais c'est vrai que j'avais plus d'affect mais Joypad, c'était... avec Joypad, et ça on en parlera peut-être tout à l'heure finalement avec Gameblog. Ouais. Quand t'avais des mecs effectivement comme donc Gollum, Julien Chiez, Rahan, etc. et d'autres, tu savais quels étaient les goûts de chacun, et quand t'étais un peu fan d'une série comme un rédacteur, c'était assez intéressant. Bah, ça faisait un peu témoignage de potes, en fait, parce que comme tu sais, quand au bout d'un moment, quand t'en as acheté 50, je dis pas que tu les connais, parce que voilà, ça reste que des articles entre guillemets, mais tu sais à peu près ce qu'ils vont dire quand même. Enfin voilà, tu te doutes bien que quand il y a un test, je sais pas, d'un Resident Evil, tu te doutes bien que quand c'est Gollum, il l'affect est différent, et du coup l'article n'en sera que plus intéressant, justement, parce qu'il y a un passif avec la série, il y a un affect. Après, ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure, c'est que tu disais que après t'es plus trop d'accord avec une ligne éditoriale, et du coup ça te fait un peu lâcher un magazine. Moi ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec Gameblog, quoi. Alors là, on va attaquer le gros morceau. Hein. C'est le très bon exemple, parce que Gameblog, quand ça arrivait, je me suis dit, putain, mais Mais juste jamais je vais acheter de magazine, c'est pas possible. Je crois que c'était en 2000, Gameblog, je sais plus. C'était non, quand, Gameblog? Peut-être pas si loin que ça. Peut-être pas si loin que ça. Alors attends, tu sais quoi? Nous, on va pas faire genre on connaît et on regarde en scred sur Wikipédia. Moi, je vous le dis, je vais aller voir en direct. En différé. Vas-y, pendant que tu cherches, dans tous les cas, quand Gameblog est arrivé, je sais pas, je suis tombé sur le site peut-être un mois ou deux après son lancement. C'était pour moi non, c'est 2007, oui, c'est 2007. 2007, donc, oh là là, oui, non. ils ont 9 ans, quoi. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que Gameblog, au début, c'était tout simplement mon site de jeux vidéo préféré. Ah, parce aussi, qu'on retrouvait l'ambiance Joypad. Certains se rappellent qu'avant Gameblog, il y avait certains anciens de Joypad avec d'autres nouveaux venus avec du sang frais, avaient monté Gaming, qui était très sympa d'ailleurs. Je sais même pas si toi tu t'en souviens, Julien, de Gaming. Alors, pas du tout. Ah, c'est un magazine, ça, non? Oui, oui, c'était un magazine. Pas un site. Oui. C'était Raon qui était à la. Si je me souviens, alors il était dedans. Est-ce qu'il était rédac chef ou pas? Je me souviens plus. Ça a duré 6 numéros. Alors apparemment, c'était pour des problèmes de trésorerie mal gérés, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Parce que le magazine fonctionnait pas trop mal. C'était très sympa, Gaming. Et donc après, il y a eu Gameblog. Et Gameblog, au début, il y avait vraiment une ambiance. Moi, je l'avais vraiment senti comme ça. On se retrouve chez les. C'est Joypad sur Internet, quoi, en fait. Et voilà, voilà, c'est bon, t'as tout résumé. C'est Joypad sur Internet. C'est Joypad avec un autre titre, mais c'est les mêmes, c'est le même délire. Et puis, il y a un côté... je sais pas comment dire... Il y avait un côté, on retrouve les copains sur Internet, on était un peu en... C'était pas prise de tête. Franchement, c'était pas prise de tête. Non, quand t'écoutes les ouais. anciens podcasts avec Angel, de toute façon, pour moi, c'était un peu le... On reviendra peut-être dessus, mais... plus personne en parle de lui là sur Gameblog. Pour moi, quand il est parti, c'était le début de la fin, quoi. C'est dès qu'il est parti, c'était plus la même ambiance déjà. Moi, c'est surtout le départ de Raon. Moi, je trouve qu'il a fait et vraiment, voilà. Et voilà. qu'a fait tout basculer. Et ça, c'est le dans c'est, le Dark Side. Ça a enfoncé le clou. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça, ça a enfoncé le clou. Ça s'est en transformé. Fait, en fait, il faut. On va juste faire cette parenthèse là, être un peu chiant, sérieux 2 secondes. C'est que ce qui se passe maintenant, c'est que il y a une époque, les magazines c'était mort, l'Eldorado c'était Internet. Maintenant, les magazines sont encore à moitié en survie. Faut pas se le cacher. À part jeux vidéo magazine, qui lui est le numéro 1. Et pour avoir travaillé sur cette parution, c'est vraiment des mecs super passionnés. J'aime pas trop ce que j'entends sur ce magazine, mais c'est parce qu'ils ont une ligne, très grand public. Bah oui. Voilà, et ils le font très bien. C'est sûr que voilà, t'aimes Call of, t'aimes FIFA, tu veux savoir que voilà les FPS qui vont déchirer en fin d'année. Bah c'est des gros triple A du jeu vidéo, faut en parler voilà. quand même. Faut bien, former les gens. Hein. Par contre, pour avoir fréquenté cette rédaction pendant un certain temps, ils sont aussi passionnés que tu et moi, mais ils ont une ligne. Voilà, et c'est sûr que si demain. Jeux vidéo Mac fait une couverture sur Persona, ils vont moins vendre. Donc c'est pour ça qu'ils le font pas. Donc voilà, faut un petit peu comprendre ça aussi. Bah, bref, c'est normal. Mais du coup, la presse globalement, elle est en train de crever, enfin de recrever en tout cas. Enfin bon, elle est toujours dans un état un peu végétatif. Ouais. Et Internet, c'était l'Eldorado. Et là, Internet, les recettes pub se sont complètement écroulées ces dernières années. Ah, puis avec Adblock en plus. Hein. C'est une catastrophe. Et du coup, il y a plusieurs solutions. Donc là, il y a Gamekult qui a lancé, avec succès, j'ai cru comprendre. Ça fait un an le problème de Gamekult maintenant, je ne sais plus trop. J'ai du mal à me positionner. Ouais, si ça fait pas un an, ça fait presque un an en tout cas. C'était pas loin, c'était pas l'été dernier ou la rentrée. Je sais plus. C'était peut-être septembre 2015, je ne sais plus. Il y a le Gamekult Premium, voilà. Et personnellement, j'en suis très satisfait. Voilà et Gameblog Premium c'est Gameblog Premium qui sert à rien et le problème c'est que Gameblog en fait il y a eu le départ de Raon qui travaille chez Ubi maintenant il est à Montréal d'ailleurs il n'y a pas longtemps j'ai vu sur Facebook qu'il a réussi à avoir sa carte de résident permanent donc c'est chouette pour lui du coup il est là-bas il y a eu pas mal de gens qui se sont barrés du site. Et du coup, en fait, Gameblog, il y a eu des aides d'Ankama fut un temps, je me souviens, qui a réussi. Ouais, ils étaient pas dans les mêmes locaux aussi, ou un truc comme ça, je sais plus. Oui, oui, pendant un moment, ils avaient. Ou NoLive, je sais plus. Enfin. Bah, oui, pendant un moment, t'avais. De toute façon, c'était pas Ankama qui, on peut dire, hébergeait hein, carrément NoLive et Gameblog. Oui, en fait, Ankama avait injecté de l'argent dans le. Ils ont posé une tente, quoi, c'est un peu ça. Hein. Et Gameblog aussi. Après Gameblog, il me semble qu'il y a eu un autre investisseur après, mais je ne sais plus. Bon, bref, je ne veux pas dire de bêtises, donc ouais. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Toujours est-il que là, Gameblog s'est trouvé face à une situation, c'est soit il crevait, dignement, j'ai envie de dire. Soit on fait ce que les joyeux drilles d'internet qui aiment bien les galéjades un peu crasseuses appellent des putes des news putaclic. Putaclic, ouais. Et on est rentré vraiment là-dedans. Ce qui est dommage dans Gameblog, que je ne lis plus du tout, parce que rien que la homepage, j'ai envie de partir en courant, quoi. Ça te file la courante direct. C'est que il y a quand même des gens qui écrivent bien encore mais dedans. Oui, mais c'est ça qui est chiant. Mais c'est noyé dans un torrent de merde. Ah la vache, ça fait vraiment. Bah disons que quand tu vois les vignettes hyper racoleuses, les news vraiment, voilà, des news à clic, mais qui sont vraiment. Non, puis tu vois, regarde, il y a catastrophique. Il y a plusieurs choses en fait. Il y a eu la déchéance bien avant l'arrivée de Carole Quintaine, déjà. Avant qu'elle arrive, c'était déjà, pour moi, c'était déjà fini, entre guillemets. C'est un peu comme comparer deux plateformes de jeu. Alors, je sais pas si les gens vont connaître, mais c'est un peu comme si tu comparais la homepage de Kongregate, par exemple, ou de Newgrounds, et la homepage de Usine à gaz. Un vieux site de jeux flash, tu sais, où t'as tous les trucs genre Yeti machin, Sarkozy Fighter, tous ces trucs là. Ils sont passés d'un site propre et où t'avais à peu près des belles choses devant les yeux à quand tu l'ouvres, tu fais une crise d'épilepsie. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ouvre la homepage de Gameblog, je vais y revenir parce que moi je le consulte toujours, beaucoup moins, mais ça m'arrive quand même d'y aller. J'ouvre Gameblog sur mon Chrome. Et là, en home, plus avec les petits carrés là en bas, là, plus les articles, j'ai trois fois Carole Quintaine. Trois fois sa gueule. Oui, bah, alors moi, Carole Quintaine, je te laisse finir, j'aimerais dire quelque chose sur elle. Après. Ouais. Juste, c'est pas possible. Enfin, à ce moment-là, faut appeler ça Carole Quintaine Blog, j'en sais rien, mais même des gens importants comme pour Uncharted. Non, mais regarde, je sais pas si t'as suivi un peu ce qui s'est passé avec la sortie d'Uncharted 4 sur. Enfin, comment ça a été couvert sur Gameblog. Déjà, ils l'ont laissé à Carole Quintaine. Déjà, quand elle arrive à aligner deux mots sans faire de faute, bon, bah, c'est déjà super. Et tu lui donnes un gros triple. Oh le méchant. Non, mais c'est vrai. Enfin, elle s'exprime mal. Elle ne parle pas bien des jeux vidéo. Là, c'est pas une journaliste. Tu parles d'une vidéo ou d'un article là écrit. Article et vidéo. Et là, elle avait fait une vidéo, tu sais, sur Madagascar, là, la scène que tout le monde avait jouée. À l'époque. Ouais, le fameux chapitre, ouais. Voilà, et elle prend une vidéo officielle de Naughty Dog, et puis elle fait genre, et puis là j'ai fait ça, et puis là j'ai fait ci, et puis là j'ai fait ça, mais putain, mais tais-toi. J'ai pas suivi ça. Mais tais-toi, mais elle sert à rien cette vidéo. Ce n'est que ça. Gameblog, c'est devenu une page YouTube de Carole Quintaine et de Julien Chiez. C'est ça, alors, Gameblog. Moi, j'aimerais dire un truc sur. Alors, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu. C'est que moi, Carole Quintaine, pour avoir échangé quelques messages avec elle il y a très longtemps sur Internet, j'ai trouvé que c'était une personne hyper sympa. Non, mais moi aussi sympa. En plus. Je suis d'accord aussi, mais. Non, mais voilà. C'est juste pour dire moi ce que je pense, c'est que en fait, le problème avec Carole Quintaine, c'est que je pense qu'elle génère du clic parce que effectivement, elle est très jolie, elle est cool. Bon, après, elle est gameuse, elle a le droit. Elle est gameuse, elle a le droit, voilà. Bon, le problème, c'est que. C'est pas son boulot. C'est la mise en avant, en fait, qui pose problème. Voilà. Et tu sens vraiment que c'est mis là pour faire du clic. Parce que moi, je pense que c'est une personne très sympathique. Maintenant. Mais attention, le personnel et le professionnel, c'est différent. Non, mais exactement. Non, mais justement, moi, je. Parce qu'en fait, sur Internet, tu trouves de tout. Tu trouves des critiques très injustes, très misogynes, en fait, sur elle. C'est Internet. Hein. Voilà. Et d'autres qui sont. Et à l'extrême inverse, aux antipodes de ça. Tu trouves des gens qui sont complètement en gagaïtude devant elle, limite, ils feraient des fan clubs et tout ça. Alors moi, je vais juste poser la pierre au milieu, en fait. C'est que je pense que c'est une personne très sympa, elle a raison. Et bon, alors, elle est jolie, elle aime les jeux. Bon, il s'en cache pas, elle est en couple avec Julien Chiez. C'est pas un scoop parce qu'il s'en cache pas. Donc voilà. Non, mais attends, rien. C'était le TGS de l'année dernière, je sais plus. C'était un voyage de noces sur la place publique, sur leur site. En fait, c'est l'exposition, je pense, qui pose souci. Ce serait une rédactrice du site parmi des rédacteurs, des pigistes. Ce serait beaucoup mieux, sauf qu'effectivement, là, ces derniers temps, elle a été mise extrêmement en avant. Ça, plus des vignettes racoleuses que tu trouves en home. Non, mais c'est... Attends, Gameblog, c'est ça... House of Cards. Tu regardes la série ou pas? Non, elle est arrivée là sur Netflix et je rêve de la découvrir. Je ne l'ai pas encore vue. Mais, eh ben, écoute, moi, je suis en plein dedans. Tu sais quoi? Il y en a peut-être qui vont rire s'il y a 2-3 personnes qui écoutent le podcast, mais... Salut d'ailleurs, on les remercie. Chiez et Quintaine, c'est House of Cards avec Gameblog. Bah après, là, tu remplaces les Underwood, donc les héros, là, avec la Maison Blanche. Tu parles des dramas sur Twitter et tout ça. C'est pareil, ils sont constamment exposés. C'est nous et le reste. C'est que ça. Là, je suis sûr, je touche pas parce que j'ai peur que l'enregistrement foire. J'ouvre Gameblog, j'ai encore Quintaine en haut, là. Hein. Je suis sûr. Hein. Où bah, le problème, c'est que moi, il y a des rédacteurs que. Alors, Julien Chies, j'adorais sa plume dans le Joypad. Moi aussi. J'aime toujours sa plume, mais le problème, c'est que la direction qu'il a donnée au site pour que le site survive, voilà, c'est ça, je voulais revenir là-dessus, c'est que moi, j'aurais préféré que Gameblog meure de sa belle mort, en fait, tu vois, par la grande porte, avec les honneurs et le petit discours émouvant. Faut partir sans se retourner à la Goldorak, quoi. Enfin... Voilà, exactement. Tu peux pas te retourner à moitié à poil et en fait, string comme ça, quoi. Voilà, c'est ça où il crevait, je pense, le site. Donc, oui, c'est sûr. Mais en c'est fait, sûr. Voilà. Le souci, c'est que moi, Carole Katen, à la base, je la trouve très sympa. Elle est passionnée de jeux vidéo, c'est super. Le problème. Enfin, des meufs passionnées de jeux vidéo et sympa, il y en a plein. Hein. Non, mais oui, mais enfin, bon, voilà. Et ils sont ensemble. Bon, voilà. Mais le truc, c'est que t'as l'impression que Julot, alors qu'il écrit toujours, t'as l'impression que Julot, j'aime beaucoup aussi Julot, écrit plus dessus. C'est clair. T'as l'impression qu'il écrit plus. Il y avait, alors je sais plus si j'ai un ancien collègue de IG qui s'appelle Yann, qui écrit très très bien. Je sais qu'il écrivait fut un temps. Alors ça se trouve, il y est encore, mais j'arrive même pas à le savoir. Mais on les voit pas. Donc, la dernière fois que j'ai vu Julot, il a fait un live sur Goemon. Voilà. Alors, on va essayer de faire avancer le truc. C'est que en face, à Game Cult. C'est thèse et antithèse. Hein. Moi, c'était retournage de veste, personnellement, parce qu'avant. Game Cult, j'aimais pas leur analyse froide et clinique du jeu vidéo. Et je trouve qu'avec des mecs comme Boule à Poire et certains autres, et puis Pouillot, je trouve qu'il laisse un peu plus parler son cœur depuis quelques années. Ouais. Je trouve que le site a gagné quand même en chaleur. Moi, ça a toujours été mes préférés. Dès qu'ils sont arrivés, ça a été mes préférés. Hein. Alors, moi, je te parle de la ligne éditoriale. Au niveau écrit. Au niveau qualité d'écriture, ça a toujours été les meilleurs en France sur Internet. Hein. Franchement, ouais. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Il y a pas de doute. Ouais. Le truc, c'est que maintenant, c'est vrai que je trouve ces derniers temps, ils ont trouvé un super équilibre. C'est un peu plus chaleureux. Alors, il y a quand même des trucs parfois qui me gênent un peu. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais oui. C'est vrai que actuellement, pour mais moi, je suis pas toujours d'accord non plus. Hein. Voilà, la meilleure offre sur Internet en termes de presse française, j'y vais. Pour moi, Game Cult est vraiment. Mais alors. C'est le condor, quoi. Il plane au-dessus des autres, il leur lâche un petit Suisse sur la tronche. Ouais. Non, vraiment, il... pour moi, c'est vraiment journalisme vs amateurisme. Hein. Voilà. Pour moi, c'est ça. Hein. Bah, les autres ressemblent à des blogs amateurs à côté. Exactement. Bah, comme je te dis, à des pages YouTube avec des playlists. Parce qu'il y avait JVN qui était très bien et malheureusement, voilà, ils sont eux aussi mourus. Ouais. Voilà, JVN, c'était très bien. Après, je vais peut-être en oublier certains. Il y en avait 2-3 qui ont crevé, qui étaient vraiment très bons aussi. Mais c'est vrai que Game Cult a toujours été au-dessus pour très moi. Très bon. Voilà, je sais que en termes de vidéo, enfin moi, il propose mes émissions de JV préférées. pour moi, là, vraiment, enfin Gaijin Dash là, qui est assez récent quand même chez eux. Pour moi, c'est la meilleure émission JV. Exactement. Voilà, c'est pareil. Enfin. Tout court. oui. Bon, après, ça parle aussi du jeu vidéo japonais, quel marché moi qui m'intéresse le plus. Donc, voilà. Mais... Alors, Game Cult, moi, dès qu'ils ont lancé le premium, j'ai trouvé l'offre parfaite. Et d'ailleurs, je suis très content, très heureux. Pareil, satisfait. Game Cult. J'ai dû faire partie vraiment des premiers. Sachant que je précise, autant Game Cult que Gameblog, je n'ai jamais collaboré. Avec des personnes qui sont dans ces rédacs-là avant. Donc, ce n'est pas du tout du copinage, c'est très objectif. Ouais. Et du coup, Game Cult. Et moi, il n'y a aucun conflit d'intérêt parce qu'ils n'ont jamais testé nos jeux. Donc... Et voilà, bah, ni les uns ni les autres. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on les critique tous et qu'ils testent pas les jeux de storyboard, alors on y vénère. Mais, en fait, c'était ça, on peut vous l'avouer. Non, mais ils y jouent, mais ils sont pas. Si, je crois qu'ils avaient testé le premier Final Fantasy, je crois. Il y avait un live, t'avais été invité. Ah, si, on a été invité aussi. Ouais, non, il n'y a pas de. Et le truc, c'est que. Alors, Game Cult, c'est vraiment. Moi, je trouve qu'ils sont très forts, c'est sur les vidéos et les dossiers. Ouais. Là, les cahiers qu'ils ont fait, par exemple, pour Dragon Quest, là, récemment, c'était top. C'est un régal. Moi, je suis très fan, en plus, de Kamui, donc Daniel Antonieff. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter ces podcasts, que ce soit After Eight ou Super Ciné Battle. C'est vraiment ça fait vraiment partie des podcasts que je préfère en ce moment. C'est un mec hyper talentueux, même si je suis pas du tout d'accord avec lui. On parlait de la ligne éditoriale. En général, tu vois, il a détesté Uncharted, etc. Mais, bon, c'est des mecs qui parlent avec passion, et ça, c'est ça manquait un peu au Game Cult d'il y a quelques années, et de retrouver ça, c'est quand même top. Ouais. Moi, la seule petite critique, c'est vrai que à travers des plumes au demeurant excellentes, hein, comme celle de Gotoz, par exemple, ces mecs qui savent écrire vraiment. C'est vrai qu'il y a cette tendance quand même à Game Cult qui commence parfois un peu à me gêner, où le petit indé qui fait un truc bien, tu vois, mais on va essayer vraiment de le mettre parfois un peu de côté pour dire, regardez, nous, on défend le vrai jeu vidéo. Oui. Alors pour moi, je vais pas refaire le sketch du mauvais, du bon chasseur, mais tu as des triple A qui ont vraiment du cœur, comme Uncharted 4, qui sont vraiment faits avec les couilles et le cœur. Tu as des triple A merdiques, et tu as aussi des jeux indés qui sont fabuleux, et tu as des jeux indés qui sont ratés aussi. Merdiques. Mais oui, bien sûr. On trouve du bon et mauvais dans l'autre. Et c'est vrai que GameCube, tu as un peu l'impression que parfois. En fait, c'est un peu le jour et la. C'est un peu. Dr. Jenkins et Mr. Hyde, là. C'est un peu ça, des fois, GameCube. C'est que ils vont être d'une lucidité effrayante par moment, et de temps en temps. Ils seront justement d'une non-lucidité effrayante. Comme le cas du test d'Uncharted. Ouais, le test d'Uncharted 4. Qui est très bien. Hein. Attention, il a une très bonne note. Hein, après, tout ça, c'est vrai que c'est subjectif. Pouillot, il a son avis. Mais il y a des limites. Il y a des limites parce que, regarde. Et pourtant, Dieu sait que nous, on aime Pouillot. On en parle très souvent. Voilà, c'est clair. Il fait partie de ceux vraiment qu'on préfère dans la rédaction. C'est mon best. C'est mon gars sûr, comme disait. Voilà, c'est ça, c'est mon gars sûr. Avec Boulap. Bon, de toute façon, quasiment. Je dirais même toute la rédaction. Je les aime tous, même Exerve. Exerve, apparemment, il y est plus. Donc, j'ai pas trop compris. Non, si, il y est, mais il a déménagé. Il vit plus en Ile-de-France. Un truc comme ça. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ce que je voulais dire, hein, merde, putain, j'ai été déconcentré par Skype parce que j'ai bien demandé à pas être dérangé et on me dérange. Ah bah écoute, c'est ça d'être une star. C'est pas grave. oui, c'est le fait de leur fameux Selec. Ils y tiennent au Selec. Moi, je pense qu'il faut qu'ils le retirent parce que ça galvaude en fait leur ligne éditoriale. Tu peux pas faire un test de Kirby, le dernier Kirby qui a l'air génial. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de l'acheter. Bon, moi, je suis un gros fan de Kirby, donc. Oui, mais c'est prévu que je l'achète aussi. Voilà, il se tape un Selec, Uncharted 4 qui fait l'unanimité sur la terre entière et une Selec. Il y a quelque chose que je dis toujours, c'est ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est super qu'effectivement c'est super. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais quand t'as 99% de la presse qui dit que c'est bon, je fais une analogie avec de la bouffe par exemple, avec un plat, quand t'as 99% des critiques qui dit bah ça, objectivement, c'est très bon. Si toi tu dis que ça ne l'est pas ou c'est de la merde, tu passes pour un con en fait. Et ouais, mais moi je trouve ce qui s'est passé avec le test d'Uncharted 4, je trouve qu'il est passé pour un con cette fois. Il n'est pas passé pour un rebelle ou du genre nous on veut pas faire comme les autres. Moi je trouve qu'ils sont passés pour des cons. Et ils n'en parlent pas beaucoup et je pense que c'est aussi volontaire. Mais tu peux pas ne pas mettre de Selec parce que si tu regardes leurs autres tests, ce n'est pas cohérent avec leurs autres tests. Et tests et la ligne éditoriale générale du site. Tu peux pas ne pas mettre de Selec à un jeu comme ça. C'est comme ne pas de mettre de Selec. Je fais un parallèle. C'est comme à l'époque où t'as Super Goose & Ghost ou Super Castlevania 4 qui sort et tu lui mets une note moyenne et à côté t'as Bubsy sur Mega Drive et tu lui mets 9 avec une Selec. C'est pas possible. À un moment donné, faut aussi être réaliste, quoi. Ouais. Bah, le problème, c'est que. Alors, je pense pas qu'ils sont passés non plus pour des cons parce que c'est vrai que même moi qui ai été déçu par la revue de Pouillot, bon, je respecte le bonhomme, sa carrière, et c'est vrai que c'est un des gars que je préfère lire et écouter sur GameCut. Bon, après, tu vois, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis. Le mec peut détester un jeu que tu adores. Moi, comme toi, je suis un immense fan d'Uncharted. J'ai adoré le quatrième épisode. J'ai adoré le troisième que tout le monde bâche. Ouais, moi aussi. Justement, le bashing en fait Uncharted, c'est symptomatique de quelque chose qui est très lié, et pas que dans le jeu vidéo, que ce soit dans le cinéma ou même dans les littératures, etc. La c'est BD peut-être et tout, un hein. truc qui cartonne. Tu vois, Uncharted, je fais juste une parenthèse de seconde, mais c'est hyper important pour moi de le rappeler. C'est que moi, comme beaucoup d'autres, on a découvert Uncharted 1 par accident. Moi, je me rappelle, je venais d'avoir déçu un peu par la ludothèque de la 360. Oui, je sais, il y en a, mais j'en faisais partie. Ouais. Donc, j'ai acquis une PS3 et je me dis, tiens, je vais voir toutes les démos qu'il y a sur le store. J'ai vu Uncharted, je ne me rappelais même pas si j'avais lu ça dans un magazine. Et j'y tiens, bon, bah, je vais essayer, tu vois. Avant que tu m'en parles, je ne connaissais pas, moi. Voilà, et je me dis, putain, c'est drôle à jouer. Enfin, on n'est pas, une fois de plus, dans des décors grisâtres, plein de rouille et de brume grise. C'est verdoyant. Ah bah tous les jeux étaient en sépia. Hein. Tous les jeux next-gen, ouais, entre guillemets, de l'époque, tout était en sépia, en filtre... Merde, l'appli, là. C'était l'anti... l'anti Gears of War, quoi. C'était verdoyant. Voilà. Il y avait déjà une écriture... t'avais l'impression d'être dans un Spielberg ou un Lucas ou un Zemeckis des années 80. Je fais putain, mais c'est top et tout ce jeu, mais j'en ai jamais entendu parler. Comment ça se fait ? Moi, je suis tombé amoureux du premier, mais sans aucune influence externe. Bon, le 2 est arrivé, on sait la révolution qu'il a amené. Ça a été une claque pour tout le monde. Et aujourd'hui encore, il est encore cité en référence. Ouais, pour moi, ça reste le meilleur de la série et un des meilleurs jeux de tous les temps pour moi. Et le 2, fatalement, moi j'étais déjà fan du 1, donc le 2, il était tellement immense, quoi. Je suis devenu vraiment, Uncharted addict, quoi, à dire. Ouais. Et là, après que ça ait fait l'unanimité, le 3 s'est bien fait défoncer. Ouais, c'est le 4, à force de dire qu'il allait être génial, tout le monde l'a attendu avec le sniper. Et c'est exactement pareil pour FF7. On en a encore aujourd'hui qui disent qu'FF7, ils veulent pas en entendre parler, que c'est de la merde. Pourquoi ? Parce que beaucoup de fans n'ont pas supporté que Final Fantasy VII fasse découvrir le RPG et la série à des abrutis soi-disant d'occidentaux qui n'y connaissaient rien. Ouais. Donc, on a décidé de leur petit joujou d'un port secret. Ou que ça passe sur chez Sony aussi, tu sais, le côté trahison Nintendo. Oui, voilà, les gens avaient acheté une N64 pour Final Fantasy VII alors que le jeu n'était même pas annoncé. Donc déjà, réfléchis un peu avant d'acheter une console à 1500 balles. Non, et mais puis, voilà. Et ensuite, ils sont déçus parce que ça passe chez Sony, mais bon. Non, puis il y a ce syndrome, tu sais, que quand quelque chose fonctionne énormément, moi je sais. C'est de la merde. Nous, on avait découvert Final Fantasy sur la période qui pour moi reste l'âge d'or Super Nintendo, enfin Super Famicom en l'occurrence. Ouais, bah là, oui. Après avoir fait 50 000 fois FF6, on était content que les gens découvrent la saga avec Final Fantasy VII. Et moi, je trouve ça génial, tu vois. Ben moi aussi. Mais bon, voilà. Je veux dire, c'est pas de leur faute. C'est comme si on va accuser un jeune aujourd'hui de découvrir, je sais pas, peut-être Final Fantasy avec le 15. Mais il y a des gens qui n'aiment pas partager. Hein. Mais c'est exactement ça. Et en fait, je trouve qu'Uncharted, après, on a le droit de pas aimer. Attention. On a le droit même de détester. C'est pas le souci. Mais faut être objectif quand même. C'est vrai que voilà, il faut quand même reconnaître les qualités. Et puis, je veux dire, Naughty Dog. Enfin, franchement, c'est les taux. Faut reconnaître les qualités et aussi les défauts. Du moment, y a rien à dire. Voilà, parce que. Voilà, le 4, moi j'ai adoré, hein, c'est pas mon jeu de l'année, mais ça l'est quasiment. Pour moi, il a des défauts où en fait, je comprends pas pourquoi... Enfin, il y a des choix que je comprends pas de Naughty Dog, qui ne leur ressemblent pas, pour moi, dans le 4. Attention de pas spoiler ceux qui l'ont fait. Non, on spoil pas, mais malgré ça... Non mais voilà, c'est... Ceux qui ont lu les tests, ils savent très bien de quoi je parle. Tout le monde le dit, tout le monde dit le jeu commence à partir de 8h, etc. Donc 8h, faut peut-être pas non plus abuser. Mais non, effectivement, moi, c'est mon ressenti. J'ai lu aucun test quand j'ai commencé à jouer au jeu. Les premiers chapitres, j'ai pas compris. Je me suis demandé ce qui se passait et j'avais très peur pour la suite. Et quand j'ai lu, pendant que je jouais, les tests, que tout le monde disait « Ouais, mais après, ça décolle et c'est génial », ça m'a rassuré, en fait, avant d'arriver à ces endroits-là. Mais voilà, je vais pas revenir là-dessus, parce qu'on a déjà parlé mais j'attendais Madagascar. Voilà. On fera peut-être une émission sur Uncharted, ça pourrait être intéressant. Voilà, moi j'attendais Madagascar, j'attendais. Moi j'adorais le début. Hein. Moi, c'est le moi j'ai pas du tout aimé en fait, le début. Le premier chapitre, et c'est le seul truc qui m'a un peu déçu, c'est le premier chapitre. Donc ça, c'est pas un spoil parce que, comme on a vu, c'est le début. Donc la course-poursuite en bateau là sur l'eau, j'ai trouvé la scène beaucoup moins percutante que l'entame du 2. Bon, bien sûr qu'il reste mythique. L'entame du 2. Et l'entame du 3. qui est génial aussi. Par contre, au début, la scène, le quotidien de Drake dans sa nouvelle vie. Ah, dans sa maison. Ça, fabuleux. Alors voilà, voilà, voilà. Bah, avant Madagascar, c'est le truc que j'ai retenu. Bah, tu sais quoi, ça m'a tellement perturbé ce début qu'il me semblait que c'était après. Alors que non, effectivement, t'as raison. Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est que bon, après, on va pas faire émission là-dessus parce que, mais on y reviendra. Mais c'est vrai qu'entre la séquence de vie quotidienne qui, bon, moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Non, moi non plus, c'est génial. Entre ça et les premiers chapitres qui suivent en fait après où il se balade un peu avec son frère, c'est il y en a surtout un moi que j'ai. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait un entre ce début de vie quotidienne et Madagascar, il y a deux chapitres de trop pour moi. Voilà, il y a deux chapitres où c'est un peu plan-plan, mais après c'est tellement exceptionnel ce qui voilà, se passe. Voilà, c'est ça. Après, c'est tellement génial. Donc bon, voilà. Oui, non, mais je pense pas qu'on tout on revire vers la presse, mais parce que finalement, ça concerne un peu ce qu'on disait par rapport à Tales Uncharted. Et à contrario, tu vois, Gameblog qui a mis une super note, comme ils ont perdu beaucoup en crédibilité. Tu vois, on va dire, ouais, leur test de Uncharted 4, c'est du fanboy, machin. Donc, tu vois, c'est un peu. Parce qu'ils le pensent très certainement pour de vrai. Mais. Non, mais c'est parce que le problème, c'est qu'il y a un passif sur Gameblog, ils ont trop merdé. Ils ont trop merdé sur plein de trucs. Je vais pas revenir là-dessus, mais. Écoute, oh, bah, c'est une le cas Beyond Two Souls, ou le cas GTA 5. Non, mais moi, je suis pas du genre à cracher, franchement, à mettre des c'était messages GTA sur Twitter, blog.fr, etc. Mais même là, je suis tombé dans le piège, entre guillemets, parce que, écoute, une semaine avant la sortie de GTA, après, Julien Chies, il fait, mais oui, évidemment, on fait des articles pour que les gens cliquent, etc. Non, mais s'il te plaît, abuse pas non plus, quoi. T'avais la home de GTA, je sais que, voilà, la pub, c'est pas eux qui gèrent, etc. Soit, mais bon, en même temps, GTA allait sortir. Donc, si t'es pas un peu con, tu sais qu'il y aura de la pub GTA sur ton site, par ta régie pub. Le site, c'était bannière verticale, bannière horizontale, gif animé, vidéo qui se met automatiquement quand tu passes ton curseur dessus, GTA 5 et les articles, GTA 5. Ah oui, mais... Et maintenant Gameblog, c'est quoi? C'est Carole Quintaine, JC, Zelda Ocarina of Time sur Unreal 4. Carole Quintaine, JC, Metroid sur Unreal Engine 4. Voilà, c'est que ça. Que ça, ou alors le meilleur cosplay d'Overwatch, le meilleur cosplay de je sais pas quoi, mais que les personnes féminines en plus. Le problème, c'est que ça peut se résumer en trois mots: il faut manger. Donc, au lieu de mourir, ils sont obligés de le faire. Et je sais bien qu'en son fort intérieur, Julien Chies, il sait très bien voilà, ce qu'ils sont en train de faire. Oui, bah alors à ce moment-là, tu vires la moitié de ton équipe parce qu'il y a la moitié qui sert à rien et tu fais des vrais articles. Le truc, ce qui est dommage, c'est que c'est complètement désincarné en fait. C'est une rédaction qui est devenue désincarnée. C'est ça. Derrière, Julien Chies et Carole Quintaine, c'est que derrière, tu sais plus qui fait quoi. Les nouvelles rubriques qu'ils ont lancées, je dis ça, on va faire avancer un petit peu le débat, mais qu'ils ont lancé leur sorte de. On va faire comme Game Cult en face, mais on vous fait pas payer quand même pour montrer qu'on se bouge un peu les miches et tout. Mais par contre, c'est on fait 100 fois moins bien. Les rubriques vidéo, elles font un peu tiep. C'est pas. Alors oui, c'est sympa. Parfois, je me dis tiens, j'ai vu que Julo en a fait une et tout. J'aimerais bien les voir, mais. Eh ben voilà. Bah c'est les seuls que je regarde. Quand je regarde de temps en temps, genre pas le temps de... tu bouffes le midi, tu mets ça en fond. Le pire, c'est que en fait, moi, parce que il faut dire quand ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, il faut dire aussi ce qu'on aime. C'est comme historiquement, quand je lisais beaucoup sur Joypad, moi j'ai des goûts en tant que gamer et des mêmes parfois des comment ma façon d'appréhender le jeu vidéo qui sont très souvent similaires à la sienne. Et ça, je me retrouvais vraiment lui à l'époque dans le Joypad. Et le problème, c'est que tout ça, c'est un beau gâchis parce que avec ce qu'ils ont fait de Gameblog, tout ça, c'est parti à la trappe et du coup et d'autant plus que ce mec là parfois où j'étais pas d'accord où je me rappelle une fois ils avaient mis en home un truc d'entai mais j'étais catastrophé, je me suis dit mais attends il faut que je sorte mon gosse de mon bureau maintenant pour regarder Gameblog, ouais c'est ça, pour dire les enfants et les mineurs au dodo. Et on avait eu un échange sur lui ah oui c'est quoi, il avait mis le mot beat, alors c'était une citation de Phil Fish ou un truc qu'on avait dit à Phil Fish, je sais plus. Enfin, bon, ça, non, c'était pas Phil Fish, c'était pas le mec de BioShock. Non, c'était Phil Fish. C'est un rapport avec Phil Fish. D'accord. Et donc, je suis quasiment sûr. Et t'avais le mot beat qui s'était retrouvé en une. Et j'ai dit non, les gars. Et j'avais échangé avec Julien Chies sur Twitter là-dessus. Il avait retiré le mot et on avait une discussion très posée. Donc le mec n'est même pas fermé la discussion. Après, ah non, bien sûr. Il s'est fâché tellement sur Internet Que, bah, bon, des fois, ils pètent les plombs. Hein. Bah, des fois, ils pètent les plombs, et ça, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on est critique, mais on n'est pas non plus dans le troll anti-intel, anti-intel. Mais non, mais j'ai, tu vois, bah, j'ai rien... c'est un mec qui était enfin, vraiment, je trouve qu'il avait une super plume. Et nous, ça nous fout la rage, quand on repense à l'ancien Gameblog, de voir ce que c'est devenu. Mais c'est, mais c'est, j'aime bien Chiez. C'est catastrophique. J'aime beaucoup Julo. Le mec est très certainement plus super sympa en live. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce que j'allais dire. Soit il crevait, soit le site crevait, soit... Et bon, voilà. Il... En fait, dedans, il n'y en a pas un que j'aime pas, tu vois, spécialement. Il n'y a pas un rédacteur qui, genre, qui me sort par les trous de nez ou... Mais bon, voilà, après, faut dire ce qu'il est. Il y a des trucs mal écrits. Après, il a recruté plein de nouveaux. Voilà. Des pigistes un peu. T'as l'impression qu'ils ont encore le LED. T'as l'impression qu'ils viennent de Jeux France, tu sais, le vieux site là. fan de Square. De YouTube, non mais. 2000. Voilà, faut être aussi objectif. Franchement, c'est pas du troll. C'est vraiment objectif en termes de journalisme. C'est pas notre genre, voilà. C'est voilà, ça. Jeux vidéo, Gameblog, c'est devenu de la merde. J'ai pas d'autres mots, c'est de la merde. Alors là, je vais quand même les défendre un petit peu, même si c'est un site de merde. C'est que dernièrement, ils ont quand même pris des initiatives qui sont assez sympas. Et là, on en parlait un peu avant d'enregistrer. Ouais. Ils ont fait la Gameblog TV. Donc, c'est inspiré de ce que fait donc jeuxvideo.com ou .fr, je sais plus. De toute façon, j'y vais pas, parce que pour moi, c'est pareil, c'est de la merde aussi. Même si tout n'est pas acheté, attention. Il y a quand même Virgile qui vient de là, et Virgile... c'est .com ou .fr, Virgile ? Je sais plus. Virgile... C'était le site qui était horrible, là. Visuellement, tout bleu, avec des gros carrés partout. C'était lisible, qu'à fermer, là. C'était .com, je crois, non ? Non, ou .fr. Attends, redonne-moi le nom complet, là. C'est... Jeuxvideo.fr ou jeuxvideo.com ? C'était jeuxvideo.fr. .fr, ouais, qui était vraiment moche, visuellement. Ah, moi, j'y allais pas. Oh, c'était horrible, pas. Mais il y avait lui. Voilà. Moi, je le connaissais pas avant, personnellement. Voilà, c'est vrai que ces vidéos sont sympathiques. Ouais. Et puis là, je suis pas ouf, mais c'est sympathique, quoi. Ça, c'est chez Gamekult, mais. Ça, c'est chez Gamekult. Ouais. Voilà, ils ont sorti leur petite vidéo. Et c'est en premium, Gameblog ont sorti leur Gameblog TV. Donc, en fait, c'est une sorte de replay constant 24 heures sur 24 de toutes les vidéos qu'ils font. Et en fait, je trouve que c'est une très bonne idée parce que. Même si, voilà, moi en tout cas, c'est une question de goût, mais pas que. En restant objectif, il y a quand même la moitié qui a foutu à la poubelle. De temps en temps, il y a quand même des trucs qui ressortent qui sont bien. Là, je sais plus quand, je suis tombé sur une vidéo de Plume. Il avait testé un jeu. Il a testé, voilà, c'est Kickoff là, le nouveau Kickoff. J'aime beaucoup Plume aussi, tiens. Moi aussi. Mais bon. Il est plus Game Culcast que. Oui, mais le problème, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, il y a Gameblog. J'ai l'impression que tu vois que c'est une forteresse de spam. De news à clic racoleuse, mais avec des salariés talentueux, quoi. Et qu'au milieu, derrière la forteresse, t'as quand même deux trois gars qui savent bien écrire et qui ont des avis intéressants. C'est noyé dans le reste. C'est un gros gâchis. Et du coup, pour avancer un petit peu, donc là, en clair, sur le net, donc il y a Gameblog, donc moi que je ne lis plus. Moi très peu et je leur laisse quand même une chance parce que l'idée de la Gameblog TV, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça fait passer le temps quand tu bouffes le midi au bureau. Ça permet peut-être de voir des trucs qui auraient pu t'intéresser que t'as loupé parce que soyons clairs, on parle de presse de jeux vidéo, mais quelque part les chaînes de jeux vidéo, ça fait aussi partie de la presse. Game One, No Life et ces conneries-là. No Life, je mets dessus, j'ai que des clips de japonais qui crient. Quand je vais sur Game One, j'ai que l'émission avec Telouk et Marcus qui parlent autour d'une table de smartphone. Donc, juste faire deux secondes là-dessus quand même. C'est que No Life, alors pareil, on va me dire machin parce que voilà, c'est des copains et j'ai travaillé pour eux. Ouais. Non, mais même nous, on a été invités chez eux pour de la promo. Donc, Oui. Mais alors, No Life, le problème, c'est que pour émettre en France, ils ont été obligés d'être classés. Je fais vraiment la version courte. Hein. Ils ont été obligés d'être classés chaîne musicale. Donc, en fait, ce qui s'est passé. C'est qu'ils sont obligés de passer de la musique et même des trucs français parce qu'en France t'as un quota à chaque fois de production française à passer. Voilà, le No Life c'est super à partir de tous les soirs à partir de 19h. Voilà, jusqu'à Donc c'est bien quand t'as 15 ans et pas de vie de famille, quoi. Non, bah si, parce que moi des fois je le laisse, tu vois, je le laisse en fond. On prépare le dîner, tu vois, on laisse ça en fond. C'est bon. Après il y a l'abonnement Noco. Moi je suis abonné à Noco. Voilà, moi aussi, ouais. Client. Et là, tu peux retrouver toutes tes émissions. No Life, et surtout ces derniers temps, ils ont beaucoup moins de budget. Bon, ils ont failli crever plein de fois. Ce qui est vrai. Ouais, bon, de toute façon, c'est les chevaliers du Zodiac. Voilà, No Life, c'est que. Vraiment des émissions, mais de haute qualité sur No Life. Je veux dire que c'est clair, non, mais je suis même tu prends meilleur de Game One, ça vaut rien. Voilà, ah bah c'est clair. No Life. Non mais je le problème c'est que No Life, il pâtissent un peu de cette classification chaîne musicale. Et voilà, le week-end tu peux tomber en journée sur des émissions. Voilà, mais No Life c'est de la qualité. Alors Game One, je suis tombé sur Team Game One une fois, mais j'étais effaré. Et surtout quand ils font des rétrospectives. Ils avaient fait une rétrospective sur alors c'était Mario ou Sonic, je sais plus, il y a pas si longtemps que ça. Et qu'est-ce que je vois pour illustrer donc Mario ou Sonic, je sais plus. Ils avaient passé une ROM hackée où tu voyais Bowser dans un Sonic. Voilà, c'est, ouais, il parlait d'accord, de, super. Et tu voyais Sonic courser un Bowser, mais il parlait d'une rétrospective Sonic, hein, donc je dis putain les mecs, voilà. Non mais attends, c'est n'importe quoi. Petite parenthèse, petit exemple, Gameblog ils sont pas mal aussi, hein, quand t'entends des trucs du genre oui les premiers Dragon Quest, ouais ça arrivait en France avec Dragon Quest 5 et 6, je crois que ça s'appelait Mystic Quest avant ou un truc comme non, ça. Non, tu déconnes. Là. Mais je déconne pas, j'ai déjà entendu des trucs comme ça, des trucs putain, complètement ouais. Dingues, ou alors que c'est Super Goosen Ghost était un remake du Goosen Ghost Arcade et Mega Drive. Oh non. Alors juste un épisode non. Complètement différent. Non mais je te jure, oui, il y a un épisode Super Nintendo. C'est il y a un épisode Super Nintendo qui est voilà, qui a un remake du. Mais attention, tu sais que c'est pas les seuls à faire cette erreur. Bon là, c'est grosse parenthèse hein, sur les Goosen Ghost. C'est incroyable. Souvent, j'ai entendu ça que le Super Goosen Ghost était une version ou un remake de Goosen Ghost. Du Goosen Ghost, tu sais. Vraiment le premier, tu sais, avec carrément le méchant qui est pas le même, pas les mêmes armures, pas les mêmes niveaux. RPG japonais obscur. C'est comme dire que Final Fantasy VII est un remake du 6, quoi. C'est aussi idiot, quoi. Enfin. Bah, c'est vraiment nimp. Donc ouais, du coup, bref. En France, donc t'as JV.com aussi, ce qu'on pourrait peut-être te dire deux mots sur eux. Moi j'y vais pas, donc comme ça. Moi j'y vais jamais, sauf pour lire les planches voilà, de quelqu'un que j'aime bien, qui se fait appeler la petite pelle sur internet, qui fait sa petite planche tous les dimanches, et je la trouve bien sympathique. Mais c'est vrai qu'à part ça, j'y vais pas du tout. Leurs émissions, j'en ai vu certaines, c'est. Les bons, de toute façon, se sont barrés. Et ce qui reste. Enfin, le peu que j'ai vu, je les connais pas toutes, qu'ils ont une tripotée de chroniques vidéo, il y en a toute une tétrachée. Le peu que j'ai vu, ça m'a pas trop plu. Et du coup, t'as ça. Après, t'as d'autres sites. Mais alors, comme je vous l'ai dit au tout début d'émission, on parle de nos goûts à nous. Donc, le but, ouais, c'est pas ça, de faire ouais. Un listing hein, de tout ce qui existe. Hein. C'est pas exhaustif du tout. Hein, donc voilà. Alors, on site généraliste ou site en général? Parce que si. Non, on doit... De jeux vidéo, quoi. Ce que tu lis. Ah, bah moi, je vais sur IndieMag. Eh ben, putain, tu me l'as retiré. Parce que j'allais le dire justement. Moi, je trouve qu'un des gros, même si GameCult pousse beaucoup ça, c'est vrai que c'est bien. Il y a encore plein de petites perles et d'actu indie qui passent sous le radar GameCult. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert IndieMag il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'aime bien. Et c'est vachement bien IndieMag. Et ils sont sympas. Je connaissais pas ceux qui m'avaient contacté pour demander une clé à l'époque pour Fantasy 1, je crois. Parce qu'on avait fait une. On avait fait un. Oh, putain, je perds mes mots, je suis crevé. Bref, la FJV avait fait une publication, un communiqué de presse, voilà. Un communiqué de presse sur la sortie du jeu, donc via la FJV, et du coup, eux l'ont vu, ils ont vu le trailer, ils nous avaient contacté, et depuis, voilà, on parle un peu ensemble des fois, etc., quand on veut faire, c'est une news sur un éventuel projet ou autre. Et c'est un très bon site, mais alors par contre, effectivement, si on doit parler des plus généralistes, alors, enfin, plus généralistes ou pas, justement, à ce moment-là, moi, vraiment, les deux... Bon, il y a la case rétro que j'aime bien. Ces derniers temps, j'y vais un peu moins, mais bon, voilà, j'aime bien la case rétro. Par contre, c'est vrai que moi, mes number one, si on doit parler de podcast... Alors, attention, je parle bien de podcast audio. Ah, tu parles de podcast, que là, moi, je... Là, vidéo inexistante. Vraiment... Oui, mais on est quand même dans la presse, entre guillemets, jeux vidéo. OK. Donc, je mets pas Game Cult, je mets pas Gaijin Dash, parce que Gaijin Dash, OK, ça existe en audio. Mais pour moi, je dirais c'est pas une c'est émission. De la presse. Je dirais pas que c'est de la presse, quand même. Je dirais que c'est les podcasts... C'est une alternative, certes, parfois semi-amateur, parfois pro, mais disons que c'est, je sais pas si on peut qualifier ça de... Bah oui, mais je vais quand même prendre attention, des infos. Attention, c'est pas négatif quand je dis ça. Hein. Bien c'est, sûr, je vais prendre des infos quand même. Je suis un gros consommateur de podcast et j'adore ça, donc c'est pas du tout négatif. Il y a des tests, là je parle en fait de Gamerside, ils font des tests dans leur podcast... oui, ils font des raison, débats, etc. Bon, bah, ouais. Moi, c'est mon numéro 2. Gamerside. J'ai GameCult, Gamerside. Ah oui, à ce point-là, quand même, d'accord. C'est okay. Les deux. Ah bah, oui, moi, ça fait des années que je les suis. Pour moi, c'est le meilleur podcast audio français. Humberside, et de très, très, très loin. J'ai aucun équivalent pour moi. C'est quand on parle de Joypad, l'ambiance Joypad, etc. Moi, je l'ai retrouvé chez eux. Et depuis longtemps, et ça n'a pas changé. C'est vraiment bonne ambiance, bon enfant. Je suis quasiment jamais d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. Ils aiment des jeux que moi j'aime pas, ils détestent des jeux que moi j'aime bien, etc. Et ben j'ai l'impression d'écouter des potes quand même et ça passe nickel. Mais du coup, ça pourrait faire une. Si on s'achemine tout doucement vers la conclusion, ça pourrait être une. Je trouve une question intéressante, hein, tout du moins qui mérite d'être posée, c'est que là, la presse, donc du coup, donc comme je dis tout à l'heure, on n'a pas tout listé hein, parce que c'est pas le but, on parle vraiment de nous. C'est impossible. Hein. Entre ce qu'on lit, le but c'était de parler de ce qu'on aimait bien nous, voilà. Mais ouais. Du coup, moi je vois. Gamecult, j'y vais tous les jours. Ça, vraiment. Voilà, j'y vais tous les jours et je dois faire F5 toutes les heures quand je travaille. Vraiment, j'aime beaucoup. Sur le net, alors après, il y a d'autres sites dont on a parlé, effectivement, comme IndieMag, certains sites US que j'aime bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, qui viens à la base de la presse papier, j'en lis de moins en moins. Et je suis surtout très friand de dossiers, bien sûr, sur Internet, mais aussi de bonnes rubriques vidéo. Oui, moi aussi. Et ça, on parlait de celles de Gamecult tout à l'heure, elles sont très très bien. Au niveau dossier écrit sur Gamecult, ce qu'ils font dans le premium, moi ça ne me dérange pas de dire sur mon écran d'ordi ou sur ma tablette. Bien écrit, vraiment, moi ça ne me pose aucun souci, j'aime ça. Par contre, les podcasts, c'est vrai que c'est une sorte d'offre alternative parce que je m'aperçois aussi que j'en écoute de plus en plus. Et l'offre est devenue pléthorique, hein. Mais que ce soit amateur ou pas d'ailleurs, c'est vrai que il y a quand même certains où tu trouves des critiques, des news, des débats. Et donc effectivement, est-ce que tu sais ce que c'est ? Il y a un côté voix des consommateurs qui est assez intéressant. C'est un peu c'est la voix du consommateur. C'est les petites étoiles sur Amazon dans les commentaires, mais sous forme de podcast sur des produits qui éventuellement t'intéressent. Quand t'écoutes un podcast, je sais pas, la case rétro spéciale Outrun, bon bah, c'est un peu les commentaires Amazon du jeu Outrun. C'est un peu ça. T'as quand même un mec qui va te faire l'historique, blablabla, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'avis. En fait, c'est plus ciblé, quoi. Les podcasts, bon, alors, Gamerside, non, parce que c'est très généraliste, Gamerside, mais là, je prends le cas de la case rétro, et j'imagine qu'il y en a d'autres dans le même style. Quand ils font des dossiers sur Shinobi, des dossiers sur un tel truc ou tel truc, bah moi, ça, par exemple, la case rétro, je les ai pas tous écoutés. J'écoute quand ça m'intéresse. Tu vois, quand ils font un podcast sur, je sais pas, genre Syndicate ou un truc comme ça, j'en ai rien à foutre, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Ou sur... c'est rien, Civilization, bah alors, attends, je dis ça, mais j'adore Civilization. Mais... parce que moi, j'ai l'effet inverse aussi. C'est que parfois... quand tu écoutes un podcast sur un sujet que tu adores, et donc potentiellement, en tout cas, ça sous-entend ça quand même, que tu maîtrises, est-ce que tu vas écouter aussi ? Attention, il y a deux trucs différents. Là, je prends la case rétro. La case rétro, on peut être d'accord ou pas pour des questions de goût. Généralement, ils ne se trompent pas. Je dis bien généralement, non, parce que ils bossent. Voilà, ils bossent derrière. C'est des mecs qui bossent. Par contre... quand tu écoutes un podcast amateur ou pas, et que dedans, sur un sujet donné, et que dedans, tu entends des conneries, comme c'est le cas de Gameblog, par exemple, qui avait fait un podcast sur les FF ou les Dragon Quest, je me souviens plus exactement, j'en ai parlé tout à l'heure, où il disait que Dragon Quest 6 ou je sais pas quoi était sorti, ou si, il y avait Final Fantasy 6, il est sorti en France et il s'appelait Mystic Quest, enfin c'est l'un ou l'autre, mais un truc, une aberration! Un truc mais incroyable quand t'entends ça. T'es obligé de couper, tu vas pas répondre à un coup. Moi c'est off, je fais ok, j'arrête, c'est bon. Hop, on passe à autre chose. Par contre, j'ai déjà eu ce cas-là avec des podcasts avec des gens sérieux quand même, comme la case rétro, et je sais plus quel podcast c'était. Quand c'est des gens de mauvaise foi. Voilà, c'est-à-dire que le podcast commence, je sais plus, je vais dire un jeu au pif, Mario Kart, et que souvent ils demandent toi comment t'as découvert ce jeu et qu'est-ce que t'en penses, etc. avant de se lancer vraiment dans le débat, et que t'en as un qui dit moi j'ai découvert sur le tard et c'est de la merde, l'autre qui dit moi j'ai découvert sur le moment mais je trouvais ça pourri, j'ai toujours trouvé que c'était de la merde. Tu dis pas c'est de la merde quand les jeux font des millions et des millions et des millions de ventes. Bah, on n'est pas frangin pour rien. Moi, c'est juste que phrases. T'aimes pas. Toi auditeur qui nous écoute, dis-nous ton avis sur Facebook, ailleurs, sur YouTube, enfin on vous dira ça après, ou nous retrouver. mais Moi, il y a une phrase que je déteste et je trouve qu'il fait preuve d'une immaturité, mais vraiment abyssale. C'est quand t'entends « Ah, c'est de la merde ». Moi, je vais prendre un truc, tu vois. Je n'aime pas... je suis pas le seul, mais il y en a beaucoup qui aiment. Moi, Call of Duty, c'est pas du tout ma cam. Moi, j'ai un pote qui adore Call of Duty. Je vais pas lui dire « Mon pote, c'est de la merde ton jeu ». Non. Notre cousin. Oui. Raph. Raphaël, si tu nous écoutes. Enfin, attention, les derniers, je crois qu'il y joue pas, il aime pas, mais il y a non, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le c'est de la merde, pour dire juste je n'aime pas, mais moi, tu vois, je déteste, j'exècre Call of Duty, mais je reconnais que pour celui qui aime ce type d'expérience, c'est hyper calibré, les mecs, ils font pas ça avec le cul. Voilà. C'est bien fait. Et on dira la même chose de FIFA. Alors que les jeux de foot et le foot en général, j'en ai rien à branler. On s'en tartine le fion royalement. Voilà. C'est exactement ça. FIFA, jamais je vais acheter un FIFA. Il faut avoir un peu de recul. Mais par contre, objectivement, pour la clientèle du jeu de foot, c'est la référence. Les développeurs s'arrachent les cheveux pour faire des algos de bourrin avec des IA de bourrin, avec des physiques de dingue. Avec du contenu, en voici, en voilà, un netcode parfait, etc. Il y a du boulot et c'est du vrai bon. C'est un vrai bon jeu de foot. Mais je crois que c'est un bon jeu de foot. Ceux qui disent ça, est-ce qu'ils ont vraiment joué à des jeux de merde un jour? Parce que des vrais jeux de merde, ça existe. Qu'ils aillent jouer à Paperboy là, sur Atari ST ou à des jeux pourris là. Hugo Délire Bukazoom sur GameCube. Voilà. ils se font une idée. Mais ce que je veux dire, c'est que. Là, ça, c'est des jeux de merde. Dire c'est de la merde au lieu de. À la place de dire non, bah tu vois, ça j'ai pas, c'est pas ma carte. Le c'est de la merde en répétition comme ça, mais ça, alors c'est un truc, mais je m'en ferai des ulcères. Bref. Bah t'en as quelques-uns dans la case rétro, dans les derniers là, et ces derniers temps, je les écoute un peu moins à cause de ça, je l'ai trop entendu. Bah, je l'ai trop entendu, le c'est de la merde, et du coup, ça me sort du débat. Tu vois, je sais plus, je crois que c'était peut-être pour celui d'Outrun. Bon, moi, après, j'adore Outrun. Bon, c'est pas le jeu de ma vie non plus, hein, mais j'aime bien Outrun. Et je sais plus, c'est peut-être pour Outrun, il y en a un qui a dit... Ouais, non, j'ai jamais aimé, c'est de la merde, c'est bon. Moi, genre, qu'est-ce, on s'en fout. Bah, viens pop podcast, alors. Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas intéressant. C'est ça. Moi, sur Uncharted 4, j'ai entendu des trucs aussi qui étaient parfois construits. Le mec, il aimait pas, il me disait pourquoi il aimait pas. Alors là, ok, il y a aucun problème. Mais dire. Surtout qu'on peut comprendre pourquoi on n'aime pas. Tu vois, par exemple, les phases de shoot d'Uncharted où t'as pas d'évolution d'armes, etc. Je comprends pour les gens qui aiment les TPS que ça leur manque, que ça les perturbe de tout, du début jusqu'à la fin. Moi, ça me pose pas de soucis, mais ça. De pas avoir de réelle courbe de progression. Je peux comprendre. Il y a des vraies critiques à faire sur les Uncharted et sur la formule. Par exemple, même si toi, tu n'adhères pas, il y a des critiques que tu peux comprendre, effectivement. Bien sûr. Je veux dire, moi, quelqu'un qui aime, je vais prendre un autre exemple, je sais pas, de jeu qui est très populaire. Metal Gear 5, là, non ? Bah, j'ai pas joué encore. De toute façon, ça, c'est une idée qu'on a dans une des prochaines émissions, c'est de parler des jeux que tout le monde aime et que nous n'aimons pas. Ou inversement, d'ailleurs. Ou inversement, mais c'est vrai que quand tu vois qu'il y a un jeu, tu le vois, quand il n'a pas été torché comme ça, il n'a pas été chié malhonnêtement, je dirais, tu le vois, quoi. C'est-à-dire, moi, il y a des. Là, tu parlais des jeux de sport. C'est... Bah voilà, je vais prendre un. Moi, les jeux de caisse, je veux dire, voilà, c'est pas mon. À part Mario Kart, j'aime pas les jeux de caisse. Je vais pas dire au mec qui va m'arriver avec son Forza Motorsport, pardon, 7 Plus Prime Turbo Machin. Je vais pas lui dire, si je vois que le jeu est super beau, que les retours des amateurs sont bons, je vais pas lui dire, non, ça c'est de la merde, j'y joue pas. Ah non! C'est parce que c'est pas mon truc, tout simplement. Voilà, tout simplement. Mais voilà, alors que. Et puis en contrepartie. Merde, il y en a vraiment. Voilà, et en contrepartie, aujourd'hui, il y a un autre exemple qui est très drôle, c'est que, voilà, Monsieur Symphony of the Night, il fait son jeu, là, Bloodstained, là. Ça fait 3 ans, je sais plus combien de temps qu'il a son Kickstarter. Il a pris 5 millions de dollars, il a jamais rien montré. C'est vrai qu'on a pas de nouvelles de. Bah attends, accroche-toi bien. Il fait 2-3 annonces. De toute façon, Kickstarter, c'est pareil. On peut faire une émission dessus, mais. Il fait 2-3 annonces du genre « Oui, regardez, il y aura un nouveau personnage, c'est un mec. » Il te montre un artwork, il te montre pas de jeu alors que ça fait 2 ans qu'ils sont dessus. Attention, aujourd'hui, je sais pas si t'as vu, mais ils ont montré une vidéo du jeu. Aujourd'hui. Ah, j'ai pas été voir aujourd'hui. Le jour d'enregistrement. Et qu'est-ce qu'ils montrent ? Des décors en 3D et un perso en 3D, donc tu sais, 2.5D, quoi. Donc déjà, c'est plus les beaux artworks en 2D. Ah merde, mais ça devait être de la 2D à la base, non ? Oui, mais alors attends. Ils te montrent les ruines qui courent et qui sautent dans des décors vides. Non. Il n'y a rien, il n'y a pas de monstre, pas d'interface. Tu veux dire qu'Iga s'est foutu de notre gueule ? Il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Ça fait plus de 2 ans, je crois, qu'ils sont sur le projet. qu'est-ce qu'il montre ? Un truc fait sur Unity à l'arrache, fait par un stagiaire. Il a fait un sacré hold-up en plus, le gars. C'est un putain de hold-up, ce jeu. Tout comme Fumito Ueda a fait un putain de hold-up chez Sony, et que tout le monde dit c'est génial quand même, et personne n'en parle. Et là, je vois des gens qui font oh, c'est trop bien ! Oh, c'est le nouveau Symphony of the Night ! Oh, ouais, gros, c'est juste une meuf qui court dans des décors vides. Hein. Y a rien. Y a pas de monstre. Y a pas de combat. Y a même pas un semblant de. C'est un truc qui te montre que ça va être à peu près un jeu vidéo. Genre, le mec, quand il joue, tu sais, il va mettre pause, il va te montrer une interface pour changer d'équipement, tu vois, un truc comme ça. Non, à rien. Que dalle. À la limite, tu vois, ce jeu est vide. Ça, c'est dégueulasse parce que au moins, le Megaman-like d'Inafune. Qui sentait pas très bon dès le début, hein. Moi franchement. Non, ça va être un jeu extrêmement moyen. Ça sent à 10 km. Il a dépensé 40 000 dollars pour faire le jeu, bon. Il s'est tout gardé, puis c'est tout quoi. Donc, du coup, pour recentrer le débat, et puis pour bientôt le terminer pour le coup, les podcasts finalement, c'est un peu. Tu verrais ça toi comme une sorte d'alternative à la presse ? Non. Est-ce que le fait que ce soit pas parfois des alors, vrai journaliste, ça veut plus rien dire maintenant, parce que oui, c'est clair. Moi, j'ai fait aucune formation de journaliste. J'ai une carte de presse pendant plusieurs années. Ouais. Après, voilà, les gens aimaient ou pas ce que j'écrivais. Après, bon, c'est pas le problème, mais bon, c'est vrai que ça veut plus trop rien dire. Mais est-ce que toi, tu penses que c'est une alternative, toi, en tout cas, dans ta manière de consommer de la presse, de l'information, est-ce que le podcast a pris la place de la presse, on va dire, traditionnelle, qu'elle soit papier ou sur le net? Pour moi, c'est comme le hamburger que t'as dans Golden Menu, quoi. Tu sais, c'est-à-dire que tu prends ton Golden Menu, tu vois, t'as ton Big Mac, tes frites, ta boisson. Donc ça, pour moi, c'est genre Game Cult. Et le petit hamburger que t'as à côté, tu vois, c'est genre Gamerside. C'est le petit bonus, quoi. Mais après, ça n'a pas forcément la même vocation. Sans parler petit bonus, c'est une forme de... C'est pas réducteur quand je dis petit bonus. Qui est complémentaire, en fait. Exactement. C'est-à-dire que, tu vois, je me vois pas, moi, bon, après, c'est moi... C'est perso, je me vois pas bosser. Bon, je fais beaucoup de maths dans mon boulot, donc forcément, écouter un podcast et faire des maths en même temps, c'est un peu compliqué. Mais je me vois pas, par exemple, le midi, je bouffe et j'écoute un peu, genre mon Gamerside. Non. Je vais plutôt regarder le midi, une émission Game Cult, ou lire un truc sur ma tablette ou sur mon smartphone, généralement chez Game Cult aussi, tu vois. Et puis ensuite, quand je dois me déplacer, genre sur Paris ou un truc comme ça pour un rendez-vous, pour le boulot, bon, bah là, je mets mon podcast. Ça reste toujours pour moi de l'info. Et du contenu jeu vidéo, presse ou pas, ça m'intéresse d'écouter quand même. Donc ça reste en plus. Mais si je dois choisir qu'un seul organe de presse amateur ou professionnel pour m'informer, non. J'irai sur un site, bon, Game Cult pour le coup. Mais non, le podcast ne remplacera pas. Parce que c'est pas possible, t'imagines, tu veux t'informer, il faut que t'écoutes un podcast d'une heure et demie. Non. Tu vas constamment faire avance rapide pour avoir l'info qui t'intéresse, tu vois. Oui, je parlais pas de remplacer vraiment, mais je parle dans tes habitudes, toi, de manière de... Est-ce que pour toi, les podcasts, ça prend de la place? Ah oui. Enfin, les podcasts... De la consommation de presse plus traditionnelle, en fait. C'était plus ça, l'angle de ma question. Je pense que ça va avec... De toute façon, les journées font 24 heures. Donc, à un moment donné, si tu fais un truc, c'est pas pour en faire une autre. Voilà. De toute façon... Non, mais puis, je pense que, voilà, les technologies ont avancé... T'es dans le métro, t'es dans le train, t'as un peu de 3G. Bon, si t'as un iPhone, tu vas pouvoir écouter un podcast pendant un quart d'heure et pas plus, mais surtout si t'es connecté en même temps. Mais bon, voilà. Moi, je vais dire, les podcasts, j'ai énormément de mal à les écouter chez moi, en fait. Eh, pareil. Moi, depuis quelques années... J'arrive pas à les écouter chez moi non plus. Je travaille chez moi maintenant. Donc, ne prenons plus les transports, et Dieu sait que je suis heureux de plus les prendre. J'écoute plus dans les transports. En fait, moi, j'emmène mon fils à l'école à pied, comme tu le sais, et du coup, ça me fait par jour, entre les allers-retours, ouais, on va dire que ça me fait une heure et demie, ou une heure peut-être, j'exagère un peu, peut-être une heure, enfin, je sais pas, j'ai pas minuté, mais du coup, j'écoute. Alors, quand je suis allé, non, j'ai discuté avec mon fils, mais quand je reviens. J'imagine, non, tais-toi, j'écoute un podcast. Chut, mon fils, chut. Non, ah, mais vas-y, va à l'école, quoi, hein. D'accord. Comment ça, aujourd'hui, c'était le vaccin, quoi? Et en fait... Non, attends, j'écoute, chut. Comment ça, non, tais-toi, chut, tais-toi. Il y a des loups, là? Non, mais c'est pas grave. Et en fait... Oh, vas-y, tu peux traverser, il n'y a pas les piétons, écoute. Mais non, c'est surfait, on est en 2016, là, c'est bon, faut être moderne. T'as entendu un camion là? Mais non, tu peux traverser, c'est bon. Et en fait, bref, on va s'arrêter, ça peut durer deux heures. Mais le coup, c'est que quand je reviens, par contre, seul pour rentrer chez moi, là j'écoute. Et en fait, c'est là que je consomme du podcast. Et en fait, voilà, c'est un peu résumé ça. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec les podcasts. À la maison. Voilà. Ça va avec les transports pour moi, ou avec la bagnole. J'aime beaucoup ZQSD. Je trouve les mecs très sympas. C'est de la merde. C'est que... voilà, bah, je crois qu'on va conclure avec ça. Voilà. Mais, non, mais tu vois, c'est pareil. Pour le boulot, C'est trop long. 3 heures. Ouais, non, 3 heures, c'est trop. Mais tu vois, je me déplace, on va dire, allez, une fois par mois sur Paris pour le boulot. À peu près, ou une fois tous les 2 mois. Quoi ? Pour vendre ton shit ? Voilà, exactement. Non, mais ça correspond à peu près avec la fréquence de publication des podcasts de Gamerside, en fait. Donc, un par mois, un tous les 2 mois. Donc, c'est parfait. Généralement, quand je vais sur Paris, j'en ai un. Voilà. Donc, je me l'écoute dans mon TGV. J'écoute une première partie à l'aller, une première partie au retour. Bon, dans le métro, je coupe parce que dans le métro, ça fait tellement de bruit que de toute façon, avec le son à fond, t'entends que dalle. Mais du moins dans le TGV, tranquille, hop, je me mets ça dans les oreilles. Alors des fois, j'explose de rire, j'exagère, mais je rigole pas mal, c'est quand même des sacrés cons là-dedans. Donc des fois, tu te tapes un peu la honte, tu vois, parce que tu te marres, mais voilà, c'est ouais, pareil, mais... c'est vraiment transport, train. Par contre, c'est vrai qu'à la maison, en fait, tout dépend. Je vais écouter du podcast chez moi, mais ça concernera pas l'après-jeu vidéo, par contre. Ah, puis moi en fait les podcasts donc je les écoute à l'extérieur donc je m'aperçois que finalement ça prend pas du temps en plus sur ce que je lirai en presse, mais je trouve que le podcast a ceci de très intéressant, c'est qu'il y a un côté intimiste, et c'est ce qu'on veut pousser en fait avec Brocast, c'est ce côté un petit peu t'as l'impression d'être attablé avec les gars, et puis quand tu t'attaches, ouais, c'est sans prétention quoi, c'est à la maison. Alors nous on sera toujours que deux, hein, je vous préviens, parce que c'est le principe, sinon ça s'appelle plus Brocast, nous on sera toujours que nous deux. Mais quand t'as 2 gars, 3 gars, 4 gars, enfin une bande, ou des filles aussi, hein, tu les écoutes et que l'équipe te plaît bien, bah il y a une sorte de... Et en fait, pour presque conclure, je dirais que là aussi c'est un sacré gâchis Gameblog, puisque le podcast de Gameblog, au début du site, c'était mon podcast JV préféré en fait. Ouais, c'est vraiment ce que je préférais. Oui. Et le podcast, c'est vrai que c'est devenu un moyen de parler jeux vidéo, moi, qui me plaît énormément. Je trouve que c'est pas là pour remplacer la presse, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que ça peut bouffer du temps en moins, donc qu'on peut dédier à la presse. Mais c'est pour ça que on en a déjà fait, que là on avait envie d'en faire. C'est que le podcast, c'est un moyen de communication qui est vraiment qui est hyper intéressant, je trouve, pour c'est transmettre voilà du JV autrement quoi en fait. Donc c'est ouais. Du JV ou tout autre sujet pour ceux qui font des podcasts sur d'autres sujets, mais c'est et alors un truc, on va s'arrêter vraiment avec ça avant notre dernière rubrique dont on va vous parler mais qui est très courte, c'est que j'ai vu Julien Chies teaser, alors je sais pas si c'est tombé sur Twitter, teaser un PDF avec marqué gameblog.fr le magazine. Alors je sais pas si t'as vu ça. Ah non, je suis pas tombé dessus. Bon, je alors, pense que c'est une très mauvaise idée, mais je pense aussi. Mais parce que déjà, quand se dispersant, ils font un peu de la merde sur leur propre site. Alors c'est pour faire de la merde. T'imagines toutes les 2 pages, c'est une photo de Carole Quintaine. Carole, si tu nous écoutes, on t'aime bien. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que il y a même par rapport à elle. Julien et Quintaine à la plage. Julien et Quintaine. C'est pas une bonne façon. Alors, Julien et Quintaine test Metal Gear Solid. Julien et Quintaine test Uncharted 4. C'est un peu la nouvelle version de Martine. Enfin, non mais. Et bon, bah, apparemment, ils vont lancer ça, donc je sais pas voir. Bon, en tout cas, c'est un peu nos goûts, hein, voilà, de ce qu'on aime lire en JV. Alors, si ça se trouve, on a oublié un site ou un magazine qu'on adore. C'est pas grave, parce que c'est forcément de la merde. On s'excusera, voilà, comme on le disait tout à l'heure, hein, ceux qui disent c'est de la merde, on les déteste. Et, les gens qui disent que c'est de la merde, c'est de la merde. oui, exact. Et donc, bah voilà, je pense vraiment qu'on n'a rien oublié. Alors, il y a une petite tradition, parce que là, on a plus d'1 heure d'enregistrement. Je pense que c'est le bon timing. On critique les podcasts qui font 3 heures, on va pas en faire 3. Ouais. On avait pensé pour chaque fin de podcast, en fait. Une photo de Carole Quintaine. Eh, mais ouais, tu sais qu'on. Ouais. Ah, bah là, on fait du photo. Clic. Une photo en audio, c'est fort. Ce serait de votre part. Est-ce que une faudio de Carole Quintaine. Une faudio. C'est-à-dire que c'est un mec qui décrit une photo. C'est ça. Alors là, elle a habillé avec un poteau à charpe rose. Un poteau mais les shorts à forte dentelle. Oui, je sens la pente savonneuse là, tu vois. Tu la sens, t'es en train d'y aller plein pot là. Donc on va s'arrêter là-dessus. Mais oui, moi, je sais pas vous en fait. Et toi, Julien, t'es d'accord avec moi, on en a parlé. C'est que moi, je déteste. Enfin, je déteste, non, faut pas exagérer. Mais je trouve que ça casse un peu le trip quand dans un podcast, on te met de la zik au milieu. Ouais. Parce que j'adore la musique. C'est comme la pub. Ça te ouais, bah non, mais non, parce que je suis. C'est vrai que la game musique, pour moi, c'est très, très important aussi. Mais quand tu es dans un débat endiablé, je trouve que ça fait ni honneur au débat, ni à la musique, que tu as envie vraiment d'écouter à part pour vraiment le. Tu vois, lui réserver un moment qu'elle mérite. Et je trouve que ça casse un peu les deux. Ça fait un peu. Je sais pas. Moi, ça me dérange. Non, bah, je suis d'accord. Et en fait, nous... J'ai rien compris, mais je suis d'accord. Ouais, non, mais moi, je me comprends, et tu sais, c'est déjà beaucoup. Et donc, j'aimerais qu'on vous propose, en fait, à chaque émission... donc, on va essayer de vous en faire au moins 2 ou 3 par mois, voilà. Hein, pour l'instant, on est là-dessus, vous verrez. En fait, Julien et moi, on va essayer de vous proposer... Alors, pareil, c'est notre tracklist, notre playlist... appelez ça comme vous voulez, ultime de game music. Et donc, c'est-à-dire que, alors, on va pas faire classement tout ça parce que c'est impossible, il y a des titres qu'on pourra jamais déclencher. Mais on va. Non, juste... c'est pas un top. Quoi. Non, pas du tout. C'est pas du tout notre style. On va vous proposer un titre de jeu vidéo donc, qu'on adore, qu'on affectionne particulièrement et qui pour nous doit faire partie de la playlist ultime. À tour de rôle. Voilà. Donc, chaque semaine, Julien et moi, on va proposer un titre qui sera en fin d'émission. Comme ça, vous terminez avec un superbe morceau voilà, qui va vous. Vous ravir les esgourdes. Et voilà, pour finir bien jusqu'au prochain numéro. Et donc, bah, Juju, cette semaine, c'est toi qui vas commencer. Ouais. Donc, parle-nous un petit peu du titre donc, que tu as sélectionné pour cette fin d'émission exceptionnelle. Ah, moi, j'ai sélectionné une musique de jeux vidéo que j'affectionne particulièrement, qui se dénomme Romancing la Saga 3. Ah ouais, donc c'est la musique des combats de Romancing Saga 3. Là, j'y pense parce qu'en ce moment, je suis en train de faire le 2 sur mobile. Qui va arriver sur Vita apparemment, plus je suis très content. Ouais, je sais, ouais. je pense que je vais arrêter d'y jouer parce que finalement il est quand même chiant, mais l'OST elle est excellente. Mais mais il est original, mais bon, je vais pas rentrer dedans. Mais au bout d'un moment, il est un peu casse-couille quand même, il est très répétitif. Pas du tout genre free, tu sais, comme genre le 3 ou Saga Frontières, tu sais, où tu peux aller un peu partout où tu veux. Là, c'est pas du tout le cas, c'est très dirigiste et ça commence à me gonfler. Bref. Ah mais les BO des romancing, ouais. Des romancing saga, des sagas en général. C'est Kenji Ito si je dis pas de bêtises. Si c'est ça je crois. Le compositeur. Ouais. Celui qui a fait la musique de la Boom aussi si je me souviens bien. sa meilleure œuvre n'est-ce pas? Évidemment. Ah, la musique des combats, je te coupe juste, la musique des combats de Romancing Saga 3, ouais. Elle est exceptionnelle et j'ai du mal à la départager avec celle de Saga Frontières qui était le premier épisode de cette saga ou spin-off sur PlayStation, que je trouve mais d'une patate et à la fois d'une mélancolie aussi incroyable. Je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé Saga Frontières d'ailleurs, grosse parenthèse, ils auraient très bien pu l'appeler Romancing Saga 4 hein, parce et que oui. C'est vraiment pareil. Hein, c'est vraiment ça et j'ai adoré ce jeu aussi, mais c'est vrai que ces deux thèmes de combat, j'aurais du mal à les partager. Mais excuse-moi, je te laisse continuer. Bah, donc Romancing Saga 3, donc un jeu sur Super Famicom fait par Square, un petit peu avant la fin de vie de la Super Famicom, il est sorti après FF6. Il me semble, je crois. On l'avait acheté en import, moi je me souviens à l'époque. Ouais, bah, il n'est jamais sorti ailleurs, hein, ça on le précise. Je l'ai toujours. Bon alors, warning illégal, attention, l'APJ, les CRS. Il a été traduit en US, voilà, pour y jouer sur émulateur, quoi. Donc, il est à faire. C'est une série qui est assez déroutante parce qu'en fait, t'as généralement très peu d'indications, t'as choix entre plusieurs personnages au début qui a chacun son scénario. Bon, c'est un peu d'esbrouf, hein, comme pour Seiken 3, c'est-à-dire que voilà, c'est surtout le début qui change, mais après tout le reste. Ouais, mais ça fait toujours plaisir. Ça. À l'époque, ça donnait vraiment une impression de liberté. Voilà, c'est ça. Bon, c'est des jeux qui sont extrêmement difficiles. C'est marrant quand on parle de Dark Soulisation. Quand Dark Soul est arrivé, moi je me suis dit, putain, c'est une romancing saga d'itation. c'est la grande mode, ça. Tous les jeux se Dark Soulisent en ce moment, c'est la grande voilà, mode. Voilà, alors que bon, il y avait des jeux bien avant Dark Soul, des RPG qui étaient très, très complexes, pas dirigistes et où tu t'en prenais plein la gueule. Romancing Saga, c'est typique le genre de jeu où, dès le premier niveau, alors que t'es bridé, tu vois, par exemple, à faire un stage, genre la forêt au début de Romancing Saga 3, tu peux pas sortir, tu sais, tu peux pas aller faire des XP ou des trucs comme ça, bah dès le début tu peux te taper des game over parce que les monstres sont tout de suite très forts. Les persos, s'ils meurent plus de 10 fois, bah ils crèvent définitivement. Ça, à la Fire Emblem, en fait. Ils ont des life points, donc c'est des jeux voilà, très libres, avec une grosse tension. Bah, il fallait vraiment s'investir. Et, voilà, exactement. Bah, je pense que nous, on les a attaqués en Jap à l'époque. C'était, non, on c'est était courageux. On t'as était pas courageux, d'XP. Il n'y a même pas d'XP, parce que voilà, tu... c'est un peu à Final Fantasy 2, pour et ceux surtout, qui connaissent. Et surtout, tu devrais rappeler aussi que le nombre de personnages que tu peux incarner dans les durant les combats, je crois que tu as au moins 6 persos, je crois. Ou... Bah alors, c'est 5 dans le 2, et je crois que c'est 6 dans le 3. Dans le 3, il me semble que tu as une sacrée triple. Ça prend toute la ligne de l'écran. Quoi. C'est, en fait, tu peux avoir une ligne de 5, plus un personnage que tu diriges pas, qui est en première ligne. Mais c'est très scénarisé en fait, c'est vraiment quand ils doivent être là pour le scénario, c'est-à-dire que tu les diriges pas quoi. Sinon, les persos vraiment que tu diriges toi, je crois que c'est 5, c'est pas plus. Et avant de lancer le titre, toujours avec les warning, il y a des trades qui traînent sur le net, on peut le découvrir, je pense, au minimum en US, mais il me semble que. Non, il y a une trad française qui avait commencé. Mais... Sur Terminus Traduction, non c'est pas ouais, non, chose. Mais ils l'ont jamais terminé. Ah, ils l'ont jamais terminé. Mmh. Donc peut-être une trad US serait plus à conseiller pour je ceux qui veulent. Je crois qu'il y a le 1. Qui a été traduit. D'ailleurs, c'est des trucs, moi je trouve ça intéressant, mais c'est des trucs dont personne parle. Mais tu vois, par exemple, le premier Romancing Saga, il a été fait avec le moteur d'FF4. Personne n'en parle. En fait, c'est pour ça qu'ils ont fait une série annexe et qu'ils se sont dit, putain, on vient de faire un moteur sur Super NES, ça nous oui, a bien cassé les couilles. Et ça, personne n'en parle. C'est le moteur d'FF4, quoi. Personne le dit. Bah, c'était l'âge d'or de Square, où ils tentaient plein de trucs, où Square était vraiment le roi du monde. Et on dirait un hack d'FF4, le premier Romancing Saga. Oui, en fait, il y a plein de... Les Romancing Saga, au début, c'était effectivement des jeux qui étaient là pour tester des nouvelles choses voilà. En marge de Final Fantasy. Et, c'est mais vrai t'as genre des sprites, c'est les mêmes, quoi. La genèse de la saga est très intéressante, quoi. Genre le héros du premier Romancing Saga, je crois que c'est limite le sprite du bard d'FF4 modifié, tu sais... c'est trop bizarre, quoi. Enfin, franchement, maintenant, c'est imbuvable, c'est injouable. Par contre, les musiques, elles pètent. Mais c'est injouable. Et donc, je dirais que Romancing Saga, ce sera à partir du 2. À partir du 2, maintenant, ouais, tu peux encore. Moi, je conseillerais vraiment le 3 et le. Ah, le premier saga frontière. Oh là là. C'est un que j'ai adoré, mais de ouf. C'est Final Fantasy VII qui fusionne avec Parasite Eve, qui fusionne avec. C'est trop bizarre, quoi. C'est une sorte de. Mélimélo de plein genre. Pour conclure, sinon on va repartir sur ouais, un débat. C'est clair. Ouais. Pour conclure, vraiment la saga, l'âge d'or de Squaresoft pour moi, c'est Super Famicom, PlayStation. Ils ont fait des trucs, mais ouais. C'était complètement fou. Eh ben écoutez, on va lancer le titre donc du thème des combats, le Battle Theme de Romancing Saga 3. Donc avant de lancer le thème, n'hésitez pas à partager en masse ce podcast. Normalement donc, on sera sur iTunes, si je fais bien tout ce qu'il faut, on sera sur iTunes, sur YouTube, sur SoundCloud, sur voilà. Chez Brico Marché, chez ta grand-mère, chez Nouveau Viande. On va essayer de faire ça aux petits oignons. Et, on va ouvrir un blog chez Gameblog et on va le mettre. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est ça. Que l'angle vous a plu, que le côté un peu, peut-être un peu bordélique, genre voilà, discussion comme ça, vous plaît. N'hésitez pas à nous formuler vos critiques et pas à essayer de la merde, hein, comme vous l'avez compris. Et voilà, on va essayer de s'améliorer tout ça. Donc voilà, on vous dit à très très vite. Donc une semaine, 15 jours, on ne sait pas. Vous verrez bien. Et on s'écoute donc tout de suite pour se quitter le Battle Theme de Romancing Saga. Je fatigue. Romancing Saga 3. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. À bientôt, ciao.